The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To leave speechless. Laisser bouche bée. Free for all. La foire d'empoigne. To storm. Prendre d'assaut. Roaring success. Franc succès. To get less crowded. Désemplir. To shrink away. Rétrécir comme peau de chagrin. Rack one's brains. Se creuser les méninges. Early retirement. La pré-retraite. To make ends meet. Joindre les deux bouts. To break even. Rentrer dans ses frais. Now, a bit faster. To storm. Prendre d'assaut. To shrink away. Rétrécir comme peau de chagrin. To get less crowded. Désemplir. Early retirement. La pré-retraite. To make ends meet. Joindre les deux bouts. Rack one's brains. Se creuser les méninges. To leave speechless. Laisser bouche bée. To storm. Prendre d'assaut. Free for all. La foire d'empoigne. Rack one's brains. Se creuser les méninges. Roaring success. Franc succès. To shrink away. Rétrécir comme peau de chagrin. Rack one's brains. Se creuser les méninges. To get less crowded. Désemplir. To make ends meet. Joindre les deux bouts. Early retirement. La pré-retraite. Free for all. La foire d'empoigne. To make ends meet. Joindre les deux bouts. To leave speechless. Laisser bouche bée. To make ends meet. Joindre les deux bouts. To get less crowded. Désemplir. Now, use the words in context. Laisser bouche bée. I was left gaping at that young 8-year-old pianist's performance. La performance de ce jeune pianiste de 8 ans m'a laissé bouche bée. La foire d'empoigne. It's a free-for-all in the shopping center. They're giving away free MP3 players today. C'est la foire d'empoigne dans ce centre commercial. Aujourd'hui, ils distribuent gratuitement des lecteurs MP3. Prendre d'assaut. The mobile phone stores were stormed on the day that new phone came out. Le jour de la sortie de ce nouveau téléphone, les magasins de téléphonie mobile ont été pris d'assaut. Franc succès. That method of communication has been a big hit with young people for years. Depuis des années, ce mode de communication remporte un franc succès auprès des jeunes. Désemplir. Many people want to take back their savings and the bank has been packed since this morning. Beaucoup de gens veulent récupérer leurs économies et depuis ce matin, la banque ne désemplit pas. Rétrécir comme peau de chagrin. Affected by the bird flu, that turkey farm has seen its numbers shrink away in a few weeks. Touché par la grippe aviaire, cet élevage de dinde a vu son nombre rétrécir comme peau de chagrin en quelques semaines. Se creuser les méninges. You're going to have to rack your brains to be able to win that game of chess against this champion. Il va falloir te creuser les méninges pour pouvoir gagner cette partie d'échecs contre ce champion. La pré-retraite. My father's company had to shut down and he chose to take an early retirement package for the next 3 years. L'entreprise de mon père a dû fermer et il a choisi d'accepter un plan de pré-retraite pour les 3 prochaines années. Joindre les deux bouts. That single mom works 60 hours a week in order to make ends meet. Pour réussir à joindre les deux bouts, cette mère célibataire travaille 60 heures par semaine. Rentrer dans ses frais. Thanks to the instant success of its new product, this company could cover their expenses and even pay back their investors. Grâce au succès immédiat de son nouveau produit, cette entreprise a pu rentrer dans ses frais et même rembourser ses investisseurs.